franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 192. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 14 février 2010, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout cette semaine, tu es conscient qu'en France, c'est le grand retour désormais du bicéphalisme de l'exécutif pour lutter contre les crises les plus épineuses. Alors, j'ai beau temps en Grèce, avec Carlita tellement c'est ma femme, on aimerait faire une petite croisière en avril. Ça bouge, Mykonos, à Pâques ? Non, mais je suis là pour mon pays, on est au bord de la faillite, la dette est à hauteur de 130% ah, de... Non, c'est pas moi ça. Fillon ? Oui. Bah, ça a l'air chiant, c'est pour toi. Voilà, ce matin, l'ami, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jour de Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons par notre espiègle office freudien, durant lequel nous croiserons ce matin une maudite trinité, celle de l'angoisse des temps nouveaux. Dans la foulée, nous irons à Chambord pour te dévoiler les péripéties de cette partie de chasse présidentielle du 5 février dernier, un loisir régalien sur le retour. Ensuite, nous flânerons clandestinement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA où nos joyeux fantômes radiophoniques ont découvert la véritable histoire de Sainte Valentine, une hagiographie apocryphe que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains où notre Jean-Claude, fasciné par l'entourloupe de Bernard-Henri Lévy, a décidé lui aussi de devenir un grand écrivain. Et puis, nous enchaînerons avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter et ce matin, nous t'offrirons de rechef la définition d'un néologisme, le numanitaire. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique. En direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et ronge ton frein, c'est ta dernière Prius. Everything was so grand. Yes, it was. Now that I can't stand the rain. Je ne peux supporter la pluie. Ce fut l'agacement du groupe Eruption en 1979. Alors qu'aujourd'hui, à Vancouver, on aimerait tant voir tomber la neige pour ces 21e Olympiades d'hiver. Bienvenue à Vancouver, tabernacle. Vous êtes logé dans la case coquillage. N'oubliez pas, à 11h, beach volley et à 13h, jeu apéro au bord de la piscine. Alors, ici, notre clocher enneigé nous annonce qu'il est à présent 11h11, l'heure bien sûr de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 192e épisode du Mangin Palace. Et ce matin, Monsieur Divan Beaujelet, dans notre petite session freudienne, a tenté d'exorciser les attributs de la maudite trinité des temps nouveaux. Ainsi, sur le pavé des bonnes intentions, nous allons affronter un Léviathan économique, des ogres frénétiques et un succube informatique. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Crise de la dette des États européens. Encore ? Volume 2, suite. Oui, il y a de toute façon le feu en Europe. Il n'y a pas de doute possible. C'est la première grande crise de la zone euro. Qui c'est ? Daniel Cohen, professeur à l'école normale supérieure et à l'école d'économie de Paris. Elle fait face à quelque chose de tout à fait imprévu, le risque de mise en faillite de l'un de ses États. Au secours ! Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un risque qui serait très simple à écarter. Quoi ? Il suffirait que la Commission européenne, la Banque centrale européenne, disent qu'il n'en est pas question. C'est pas croyable. On passerait à autre chose, on mettrait en place un dispositif qui permettrait aux États menacés, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, de traverser cette crise gentiment. Tu vous fais peur ? Non ? Vous voulez que je le fasse ? Et d'abord, cette nouvelle affaire de garde à vue absolument édifiante. Merde, qu'est-ce qui va se passer ? La semaine dernière à Paris, une adolescente de 14 ans seulement a passé 10 heures en pyjama dans un commissariat du 20e arrondissement. Et carrément pitoyable. La jeune fille a été emmenée au seau du lit, menottée. Et ton coffret, pourquoi exactement ? Sa faute, s'être interposée dans une bagarre à la sortie de son collège. C'est du délire, ça. Mais t'es naïf. Quand on me sort de la cellule, c'est un policier qui me demande pourquoi t'es là. Et je lui explique. Et il me dit, maintenant, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, sinon je te prolonge de 24 heures. Mais où est-ce qu'ils vont les pêcher, leurs flics ? Voilà, et l'adolescente devra répondre de coups portés en réunion. Elle sera convoquée par le tribunal dans un peu plus d'un mois. Génial, je suis rassuré, t'as raison. Le psy... Oh non, c'est quoi ce truc ? Le psy pour loi d'orientation et de programme pour la performance de la sécurité intérieure. Waouh ! C'est l'intitulé du texte que Brice Hortefeux... va présenter cet après-midi aux députés. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'OPSI, si elle est adoptée, permettra l'espionnage à distance de votre ordinateur. Et je suis sûr qu'ils me suivent maintenant. D'après les spécialistes de l'informatique, techniquement, tout est déjà en place pour espionner. Arrête de hurler, on nous observe ! Il suffit de faire passer un programme, l'équivalent d'un virus. Oh, c'est pas vrai ! Cela permet de prendre les codes pour lire les mails. Vous déconnez ! De copier tout ce que tape le clavier. Où est ma mandoline ? De voir ce qui se passe sur l'écran. C'est gentil, une petite famille. Ou même d'écouter les conversations sur le programme Skype. Faut faire très attention à ce que rien de grave ne leur arrive. Et le texte est donc en débat à l'Assemblée à partir de cet après-midi. Mais faut-il pour autant désespérer ? Bien sûr que non. Ce matin, les chasses présidentielles. Oui, les chasses présidentielles, on avait oublié que ça existait, ou plutôt on pensait que ça ne pouvait plus exister. Ce serait tout de même trop simple. Vendredi dernier... se tenait à Chambord une chasse présidentielle organisée par le conseiller et ami du président, l'inénarrable Pierre Charon. Ce nom me dit quelque chose. Le connaissez-vous ? Qui vient d'être nommé par Nicolas Sarkozy responsable de la chose, avec pour mission d'en faire un objet d'influence et d'entretien de réseau. Moi, je n'aime pas le tapage. Tout ça, bien sûr, dans la confidentialité et l'opacité la plus totale. On ne sait pas combien ça coûte, le contribuable n'a pas le droit de savoir qui est invité, pas de liste, pas de photo, c'est clinquant, pompeux, dépensier, et c'est secret comme une réunion de secte. Et ensuite, distribution de cadeaux souvenirs. Façon Hermès pour les personnalités importantes et en plastique pour les autres. Vois-tu, le 14 juillet 1789, la Bastille fut dézinguée, bien sûr. Mais à cette date, dans son journal, Louis XVI inscrivit précisément ceci : rien. En réalité, il faisait allusion à sa chasse du jour d'où il rentra bredouille. Merveilleux loisir régalien que fut la vénerie. Une tradition monarchique qui a néanmoins survécu à la République. Et d'ailleurs, comme tu viens de l'entendre, nous avons appris que le 5 février dernier, l'Élysée a organisé une battue d'État. Certes, nous avons eu très peu d'informations à ce propos, si ce n'est que c'est nous qui payons, mais figure-toi qu'ici, nous en savons un peu plus. Figure-toi que ce matin-là, alors que la brume refusait de se lever sur la campagne du Loir-et-Cher, le château de Chambord a accueilli un redoutable quintet de chasseurs composé de François Fillon, Serge Fusil d'Assaut, Pierre Charron, Nicolas Sarkozy et son fils Jean, Monseigneur le Dauphin. Et à peine arrivé, Pierre Charron, le maître des lieux, a équipé son petit commando. Nous voilà rendus. Parfait. Vous prenez tous un fusil, une bière et des munitions. Eh, pourquoi j'ai pas eu de flingue? Super, j'avais le même quand j'étais au Vietnam. T'as pas fait le Vietnam? Eh, je vais t'exploser la tronche, canard. Eh, fais attention avec ça, c'est dangereux. Tu veux renverser ta bière? Oui, bon, Jean Sarkozy est persuadé qu'il a fait le Vietnam, mais ce n'est pas l'information essentielle de cette partie de chasse. Non, car vois-tu, au même moment, deux autres chasseurs prestigieux se dirigeaient eux aussi en direction de Chambord. Dominique de Villepin, flanqué de son avocat, Maître Mesner, invité l'un et l'autre par l'Élysée pour taquiner le faisant afin de se réconcilier. Cela dit, chemin faisant, Olivier Mesner avait quelques doutes. Dites, je pensais une chose. Vous pouvez pas y penser en marchant ? Non mais je me disais, vu que c'est sûrement un piège et que c'est plutôt vous qui êtes visé, est-ce que c'est vraiment utile que je me fasse tuer juste parce que je vous accompagne ? La chevalerie, ça vous dit quelque chose ? Vaguement, mais je suis pas chevalier alors. Et le sacrifice, vous connaissez ? Pareil, de nom, mais j'ai jamais pratiqué. Ah ben voilà, une bonne occasion de vous y mettre. Certes, mais le compagnon d'infortune de Dominique de Villepin n'avait pas tort. Car en effet, tiens-toi bien, cette partie de chasse élyséenne a été organisée uniquement dans l'espoir de faire croire à un malheureux accident de chevrotine pour se débarrasser de ce dangereux rival. Ainsi, vers 9h30, notre redoutable quintette de chasseurs était en planque. Et, pour patienter, voilà-t-il pas que Serge Dassault s'est mis à leur raconter ses souvenirs de chasse présidentielle avec Giscard dans les années 70. Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus les temps. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs monta dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Ah ben oui, Serge Dassault est un marchand d'armes, alors il chasse avec du gros calibre. Et en plus, c'est un artiste à la gâchette facile. Résultat, par cette fraîche matinée d'hiver un peu lugubre, au premier bruit suspect dans la forêt, Serge Fusil Dassault tira dans le tas. Ch'ti, fils de pute ! Ch'ti, merde ! Quoi ? Oh bordel. T'as tué un cochon sauvage. Quel con, t'as rien trouvé de plus petit ? Je t'emmerde, va chier ! Le vétéran du Vietnam, Jean Sarkozy, fut hilar et moqueur. Cela dit, François Fillon, lui, commençait à flipper. Car vois-tu, Monsieur Dassault était le seul, parmi les cinq, à ne pas être réellement au courant du drôle de gibier qu'ils étaient venus chasser ce matin-là. C'est pourquoi le Premier ministre a tenté d'expliquer à Monsieur Dassault quel genre de faisan ils étaient venus chasser. Dans la tradition argotique, le faisan n'est pas ce gallinacé au plumage éclatant que des mordus de la gâchette tirent comme de vulgaires canards sauvages. Le faisan, le vrai, l'estampillé argot, est un escroc de haute volée que l'on ne tire pas aussi facilement qu'un pigeon, lequel pigeon constitue la cible favorite du faisan. Tout cela est affaire de drôles d'oiseaux. En argot, on aime la volaille. On y dénombre des poulets, des hirondelles, des grues, des rossignols, des poules, des pingouins et des cormorans. Mais y a pas de cormoran à Chambord, répondit Serge Dassault qui, visiblement et à son habitude, n'avait rien compris. Du coup, Pierre Charron expliqua au patron du Figaro que leur proie ressemblait plutôt à un renard argenté, ennemi juré de leur ami Nicolas. Exaspéré et vautré dans les fougères, M. Sarkozy d'ailleurs commençait à trouver le temps long. Quand soudain, à l'orée du bois, notre chasseur président aperçut Dominique de Villepin. Oh ! Hein ? Quoi ? Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? L'ornard ! Où ? Là, là. Oh. J'avais jamais vu de renard. Ben moi non plus. Oh, si on pouvait l'attraper ! Alors on peut déjà pas attraper un cheval alors, renard. Oui, mais ça c'est plus petit, alors hop, paf ! Ah, c'est vrai, ça. Oh. Oh. Hein ? On va l'encercler. Vous allez passer par là, on va faire un mouvement de ciseaux. De tenaille. Oui, tout comme le sergent-chef Chaudard dans la forêt de Machecoul, c'est la stratégie de la tenaille qu'ont adopté nos cinq redoutables chasseurs pour dézinguer le renard argenté. Ainsi, Nicolas Sarkozy, flanqué de François Fillon, devait rabattre dans les bosquets Olivier Mesner et Dominique de Villepin, qui seraient immédiatement piégés sous les tirs croisés des trois autres. Mais soudain, sortis de nulle part, trois inconnus se précipitèrent sur Sarkozy et Fillon, qui balancèrent la sauce aussitôt. C'était qui, ces types ? J'en sais rien. J'ai vu un mec en tenue camouflée, je crois. Je le voyais. Et puis ses yeux ont disparu. Répète ça. Oui, ses yeux, ils ont disparu. Mais il y a une chose que je sais. Je l'avais droit devant moi quand j'ai tiré. J'ai balancé facile 200 cartouches en pleine gueule. Le paquet. Et rien. Faut qu'il soit surnaturel, sinon je l'aurais eu. J'étais presque à bout portant. Après tout ce raffut, Mesner et Villepin se sont enfuis, bien entendu. Mais ni Sarkozy ni Fillon n'ont su qui étaient ces trois types bizarres venus foutre en l'air leur plan machiavélique. Un contre-commando chiracien, sans doute. Seul, Serge Dassault s'est aperçu que l'un d'eux était unijambiste. Drôle d'histoire que cette partie de chasse présidentielle du 5 février dernier. Dans la foulée, Pierre Charron a rejoint son groupe de chasseurs. Quant à Jean Sarkozy, le vétéran du Vietnam, il hurlait de douleur dans un bosquet puisqu'il fut grièvement blessé par le lascar unijambiste, justement. Enfin, grièvement, Fillon et Sarkozy étaient assez dubitatifs. Non, mais c'est à peine coupé. Faut arrêter de déconner, maintenant. C'est pour ça que vous avez gueulé à ameuter tout le pays. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, ça pissait. Bon, là, ça pisse plus. Tout à l'heure, ça pissait trop, quoi. Ça pissait. Vous voulez que je regarde si j'ai des petits trucs pour mettre dessus? Non, c'est bon, ça va piquer. Je préfère qu'on laisse à l'air. Oui, bah, vous laisserez à l'air en marchant. Allez, levez-vous, on se casse. Mais je vais pas me lever. Si je me lève, ça va faire jouer le muscle et ça va repisser. Putain, j'en ai marre, là. Sans déconner, j'en ai marre. Ouais. Ça pique trop de la vie, quoi. Ça pique, ça lance, et derrière, comment ça repique trop? Vous croyez que ça se peut que ce soit héréditaire ? Héréditaire ? Qu'est-ce que vous chantez encore ? Ah si, comme quand il y en a un qui a un rhume et qu'il passe à un autre. Contagieux. Ouais, bah c'est pareil, mais vous croyez que ça se peut ? C'est quoi qui se peut ? Je comprends rien. Non, on pige rien à ce que vous bavez. Bah, le fait que celui qui m'est tapé, il ait qu'une seule jambe. Vous croyez que ça se peut que ce soit héréditaire ? Contagieux. Je vais trop perdre ma jambe, en fait. Mais non, vous allez pas perdre votre jambe, crétin. Vous mériteriez quand même des baffes à répétition. N'empêche... C'est celui qui a plus de jambes qui me tape à la jambe. Comme par hasard. It begins when I wake up. It's the first thing I have to do. I lost my lungs. Autrement dit, j'ai perdu mes poumons. C'est ce que déplore le Frenchie Boogers. Mais contre la bronchite, rien de tel que de bons cataclasmes et des pommades à l'eucalyptus. Je crois que je suis malade. Voyez-vous ça? Tu me passes cette pommade sur la poitrine? D'accord. Non, ne crois pas que tu vas m'avoir avec ça. Hein. Oh, mais sois sympa, il faut que tu m'aides. Non. Tu te passes de la pommade toute seule? Ah oui. C'est sexy. Alors maintenant, à 11h27, nous pouvons déposer avec joie le barbour et la gibecière au vestiaire pour nous intéresser à une autre traque, peut-être tout aussi meurtrière, celle de l'amour. Car aujourd'hui, ça n'a hélas pas pu t'échapper, c'est la Saint-Valentin. Et cette semaine, Alina, les voix des fantômes de la radiophonie française étaient un peu agitées. Alors on leur a raconté la légende de Sainte-Valentine. Prépare-toi pour les révélations langoureuses et pour les hypothèses enflammées que nous rapporte notre Bernard l'Ermite, planqué au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole? Cette semaine, à l'INA, nous étions un peu agités. Alors, pour nous calmer, on nous a raconté la légende de Sainte Valentine. Tout avait commencé par une élection. Elle est Valentine des Fleurs 1953. Vous avez de charmantes légendes, vous avez amour partout, tout par amour, cœur en cage. Je sais pourquoi, mademoiselle, vous citez cette devise, c'est parce qu'elle vous a inspiré un très charmant couple qui est assis. Vous voyez, je les ai regardés. Sur un banc, avec une derrière cage. Un arbre qui est encore hivernal. Oui. Entre une cage et dans cette cage, deux cœurs. Petits cœurs, ils sont enfermés, c'est très triste. Mais ils vont s'envoler bientôt. Mais ils vont s'envoler ensemble, voyons, ne nous racontez pas de choses affligeantes. Sainte Valentine avait un amoureux qui aimait beaucoup les cadeaux. Alors, pour plaire à son Valentin, Valentine a offert hier ce petit rien qu'on appelle caprice masculin, qui peut être indifféremment un briquet, une cravate, un chapeau même, oui, un chapeau. On peut revenir aux traditions, c'est l'occasion d'en parler, car ne l'ai-je pas déjà dit, j'aime assez les usages pour cela, un chapeau fait d'un homme petit un homme grand, d'un homme grand un homme bien. Mais ce chapeau, déclencha un drame. Car Saint-Valentin avait un problème avec sa tête. Il était une fois un prêtre de l'église romaine qui souffrit le martyre sous Claude II. Et voilà qu'on lui trancha la tête le 14 février 270, à Rome, disent les uns. En l'an 306, à Thermie, disent les autres. Bref, que ce soit en l'une ou l'autre cité, il eut bel et bien la tête tranchée. Vous me direz que lorsqu'on est amoureux, on n'a plus sa tête à soi. Mais enfin, sérieusement, un saint au destin si tragique peut-il être votre patron ? Vexé par ce cadeau peu délicat, Saint-Valentin décida de se venger, avec l'aide d'un ami. Ouvre-moi la poitrine avec ton bec de fer. Porte mon cœur tout chaud à la fille d'Ilmer. Dis-lui bien que je l'aime et que voici mon cœur. Elle reconnaîtra qu'il est rouge et solide et non tremblant et blême. Et c'est sur un plateau que le messager apporta à Sainte Valentine le cœur de Saint-Valentin flambé. Et c'est cette chose ardente, le cœur en feu, qu'il donne à manger à la dame. C'est une scène tout à fait curieuse, tout à fait féroce. C'est une scène qu'on jurerait prise de la pire iconographie, de la pire des déesses indiennes. Je pense à la terrible Kali, celle qui porte un collier de tête décapitée et une mini-jupe en bras humains. On dirait vraiment que c'est une iconographie de ce genre. C'est une scène tout à fait stupéfiante. Elle ne s'explique que si l'on connaît le mythe de l'échange des cœurs et qu'on voit bien que sa réputation est d'aller jusqu'au cannibalisme. C'est toujours la dame qui dévore le cœur de l'amant. Ça n'est pas le contraire. Il n'y a pas d'exemple de mythe où on ait trouvé qu'un amant ait dévoré le cœur de sa maîtresse. Bon, à la fin, ils se sont quand même réconciliés. Et ils allèrent au restaurant. Bienvenue ! Désirez-vous un petit sujet de conversation ? Oh, ce serait merveilleux. Notre spécialité du jour, les minorités. Oh, ça a l'air très intéressant. C'est quoi cette conversation ? Ça, c'est du football. Il y a commentaire du grand match celui samedi soir, ou alors vous avez aussi évocation des matchs éliminatoires de la Coupe mondiale. Oh, non. Oh, vous m'envoyez navré. Mais nous en avons une qui ne figure pas au menu. C'est une spécialité maison, en quelque sorte. Ah bon ? La transplantation des organes vivants. La transplantation des organes vivants, qu'est-ce que c'est ? Et voilà comment Saint-Valentin a inventé le cadeau qui fait toujours plaisir. Le don d'organes est un acte vital et solidaire. Il permet de sauver plusieurs vies. Moi, j'ai pris ma décision. Je suis pour le don d'organes. 14 février, Saint-Valentin. Saigner au jour Saint-Valentin rend le sang net soir et matin. Et la saigner au jour avant garde de fièvre un an durant. Saigner au jour Saint-Valentin rend le sang net soir et matin. Merci beaucoup, Flora Bernard, ce matin, d'avoir mis au net et sans mièvrerie ce dossier Saint-Valentin. Mais il est temps maintenant de migrer vers nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Boule-les-Bains. Monique est amnésique. Maman, Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, rejoignons séance tenante nos héros gros boulets, à savoir Monique, je suis libertine, et Jean-Claude, je suis une catin. Car cette semaine, notre Jean-Claude, toujours aussi combinard, est persuadé d'avoir déniché le meilleur procédé pour remporter une nouvelle bataille dans la guerre de récession. Et oui, Jean-Claude a décidé de se faire écrivain. Alors, pourquoi cette nouvelle lubie, me diras-tu ? Sont-ce les légèretés du plus grand des philosophes français qui l'ont décomplexé ? Ou bien a-t-il lu les meilleures pages du dernier Marc Lévy dans un vieux numéro du magazine Femme Moderne et s'est-il dit qu'il peut en faire autant ? Peut-être. Toujours est-il que Jean-Claude a acheté un beau cahier à spirale, un magnifique stylo quatre couleurs et un dictionnaire des synonymes, l'essentiel pour se lancer dans l'aventure de l'écriture. Et la surprise de Monsieur Baudard, le voisin, est grande lorsque Jean-Claude lui annonce ses nouvelles ambitions. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un roman. Ah bon, sans blague ? Enfin, ça, vous dites rien à ma femme, parce que j'ai écrit le soir pendant qu'elle dort. Vous êtes un romancier comme Baudelaire, alors vous pensez qu'il a commencé dans les fleurs, hein ? Ah oui, non, mais Baudelaire, il n'écrivait pas des romans. Oh, les fleurs du mal, alors, qu'est-ce que c'est, des fleurs du mal ? C'est un recueil de poèmes. Écoutez, vous savez, j'en connais un peu plus que vous sur Baudelaire, parce que justement, je viens de lire un article. Et alors, qu'est-ce que ça va raconter, votre roman ? Oh, vous savez, je parlerai de la vie en général, de la jeunesse. Oui. Enfin, je pense sans cesse passer du particulier au général. Ah oui, oui, oui, d'accord. Dites donc, j'espère que vous me donnerez un exemplaire, hein, dédicacé. Hein. Ah oui, oui. Et comment que ça s'appellera? Ah ben, j'ai pas justement encore trouvé le sujet. Ah oui, oh, ben ça c'est pas difficile, ça, oui. Pour l'instant. Est-ce qu'il y a des trompettes dans votre main? Ah non. Est-ce qu'il y a des tambours dans votre main? Non. Oh ben alors, vous avez qu'à appeler ça sans tambour ni trompette. C'est pas mauvais, non? Sans tambour ni trompette? Mais ce n'est pas mauvais du tout, se dit Jean-Claude qui décide immédiatement d'aller mettre par écrit toutes ces histoires aventureuses qui depuis l'adolescence lui traversent l'esprit. Monique ne tarde pas à s'apercevoir de cette nouvelle lubie, d'autant que Jean-Claude écrivain n'a pas la vie facile. Non, c'est rien, c'est cette saloperie de machine. Encore le R qui déconne. Comment ? Je n'ai plus de R. Ah. Oh là là là là là là là. Ça ne marche pas. Je m'en sortirai pas. Si j'ai pas mes 15 pages aujourd'hui, je m'en sortirai pas. 15 pages par jour ? Mais c'est énorme ! S'exclame Monique qui, au fond d'elle, est très fière de son Jean-Claude qu'elle imagine déjà comme le nouveau Paul Lou Sulitzer, financièrement beaucoup plus rentable, même si moins vénérable qu'un poète maudit. Et d'ailleurs, Monique est au taquet pour coacher son Jean-Claude. T'as beaucoup écrit aujourd'hui ? Oui. Eh, la météo annonce qu'il va neiger ce soir. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Sois pas si grognon. Je ne suis pas le moins du monde grognon. Je veux seulement finir ce que je fais. Ok, je te comprends. Je reviendrai plus tard pour t'apporter des sandwichs. Peut-être je pourrais lire un passage. Je vais t'expliquer quelque chose. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Tu saisis ? Oui. Bien. Bien. Jean-Claude est enfin tranquille pour écrire la première page de son premier roman. Mais hélas, l'inspiration ne vient pas avec la même facilité ni la même régularité qu'un premier tiers provisionnel. Jean-Claude s'arrache les cheveux et se tord les méninges. Et quand Monique insiste pour découvrir les premières lignes qu'il a pondues, il est tout fier de les lui lire. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». La vigilance de Monique ne s'endort pas et elle crie aussitôt au plagiat. Bon, Jean-Claude avoue qu'effectivement, il s'est inspiré d'un bouquin qu'il a trouvé dans la chambre d'Elsa, sa jeune fille en fleurs. Et puis Jean-Claude se défend. Tous les grands écrivains s'inspirent d'auteurs classiques. D'ailleurs, lui aussi, certaines plumes le fascinent. Et il l'explique à Monique. Il y a un poète que j'adore. C'est Baudelaire. Albatros. Je me retrouve vachement là-dedans. Et je me demandais s'il n'y avait pas moyen d'écrire le bouquin un peu, comment dire, dans le style de Baudelaire. Exemple. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Ma jeunesse, c'était comme un ciel bas, mais lourd, dans lequel il y avait parfois de brèves éclaircies. J'ai le principe. Attention, c'est pas du plagiat, hein, que je propose. Je me dis souvent que j'aurais pu écrire la même chose. Sauf que moi, j'aurais pas utilisé les mêmes mots. Alors là, Monique était effarée de constater l'ampleur de la médiocrité littéraire de son Jean-Claude. Avec raison, Monique a bien compris que l'on court droit au désastre si Jean-Claude poursuit son délire de plumitif. Alors elle ne voit qu'une solution. Il faut absolument qu'elle déniche un véritable écrivain qui expliquera à Jean-Claude la dure réalité de ce métier. Jean-Claude veut donc devenir écrivain, mais pour l'en dissuader, après avoir constaté l'insuffisance de son talent, Monique a décidé de lui présenter un véritable écrivain afin de lui expliquer les embûches de ce métier. Et Monique en a trouvé un bourlingueur, un clochard céleste, assis au coin d'une rue, blotti au chaud dans son sac de couchage. Un écrivain très balèze et avec du talent, mais sans drap, un balèze sans drap donc. Écrire, c'est aujourd'hui, hélas, un gagne-pain. Et pas le plus drôle de tous, ni le plus adroit. Il y en a qui rapporteraient beaucoup plus. C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte 9 fois sur 10. Je n'aime pas du tout écrire, je ne suis pas le seul. Pas jamais j'ai été un monsieur qui écrit dans un cabinet, tant d'heures par jour, etc. J'ai essayé de le faire ces dernières années. Eh bien, au bout du 3e, du 4e, du 5e volume, je crois que j'en ai fait 5, j'en ai marre. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est de m'arrêter. Mais Jean-Claude, lui, ne veut pas s'arrêter, d'autant qu'il n'a jamais vraiment commencé. Alors Jean-Claude s'y met d'arrache-pied. Il s'enferme dans son bureau, fume clope sur clope, boit des litres de café, il bénit, puis maudit les muses et rencontre tour à tour la crampe de l'écrivain et la crainte de la page blanche. Mais voilà, ça y est, Jean-Claude a écrit son premier roman. Il en est très fier. Il se précipite devant Monique, avec son tapuscrit en main, et il lui présente l'essence de sa création. Ça raconte une histoire. Une histoire d'amour. Je m'en vais te lire le meilleur passage du livre. Steve s'engouffra dans sa Ferrari rouge. Il était amoureux, ce Steve, de Sandy. La belle Sandy. Tandis que Sandy gonfla sa magnifique poitrine. Sandy est toute nue maintenant. Elle frotte sur la Ferrari de Steve sa grosse poitrine. Méga meilleur passage. Steve, lui, est toute nue aussi. Et il frotte son sexe sur Sandy, qui, rappelons-le, est toute nue. Lors Dux Corse nu s'agite sur la Ferrari, qui est rouge aussi. Ça donne envie de lire, non? Devant l'enthousiasme de Jean-Claude, Monique n'ose pas lui avouer la triste vérité. Bon, c'est vrai, c'est un peu lâche de ne pas lui dire ce qu'elle pense vraiment de ses talents d'écrivain. Mais Monique n'a absolument pas envie d'entrer dans d'interminables discussions. Alors elle choisit la facilité, dire à Jean-Claude qu'il doit envoyer son manuscrit chez les plus grands éditeurs. Eh oui, si le livre est publié, même si c'est inimaginable, ce sera Bonnard. Sinon, plus probable, le roman sera refusé et elle dira à son Jean-Claude qu'il est un artiste incompris. Bon, on ne va pas te mentir, Jean-Claude a assez mal pris le refus des éditeurs et il le leur a fait savoir. Ça ne me va pas du tout ça, hein. Votre manuscrit n'a pas suscité notre enthousiasme, moi c'est une réponse qui ne me suffit pas, hein. J'ai quand même travaillé, hein, et je crois que je mérite quand même une réponse un peu plus argumentée. D'accord. Je vais vous dire ce que j'en pense. Asseyez-vous. Ouais. Je trouve votre style lourd et maladroit. Je trouve le sujet superficiel, complaisant et incroyablement narcissique. Ça manque totalement de profondeur et de maturité. Ça manque d'audace et surtout, ça manque d'originalité. Ça ressemble à des tas d'autres choses que j'ai lues dernièrement, mais en moins bien. Voilà. Ok. Mais bon, à part ces deux, trois petits trucs, ça vous a plu, ça? Bon, évidemment, Jean-Claude n'est pas prêt de décrocher le Goncourt. Néanmoins, il peut toujours postuler pour devenir membre du jury qui va décerner le prix du Livre Inter. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Il a jusqu'au 19 février. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours en direct du Mangin Palace et à 11h43, il est temps, bien sûr, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Alors, ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple, c'est un néologisme tout droit sorti des méandres de son esprit, à savoir le numanitaire. Pourquoi ? Eh bien, nous découvrirons cela dans quelques instants, grâce à notre facétieux reporter, qui est allé rendre visite à M. Christian Salmon, chercheur au CNRS et spécialiste des arts et du langage. Par ailleurs, M. Salmon vient de publier un livre intitulé « Kate Moss Machine », qui n'est pas un portrait de ce célèbre top modèle surnommé la brindille tant elle est maigrichonne, mais il s'agit plutôt d'une fine analyse de notre société néolibérale où seule l'apparence fait office de salut, avec le fric aussi. Hein. Ainsi, découvrons ensemble ce que « numanitaire » veut dire immédiatement après la virgule. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot « wacht ». Cinq consonnes, six voyelles, numanitaire. Je pense que vous avez forgé ce terme en pensant à cette campagne qui a lieu en ce moment, qui m'a frappé aussi. C'est le fait que des mannequins, dont Kate Moss, soient convoqués pour participer à la campagne de solidarité pour Haïti en posant nus. Donc c'est très... très drôle votre assimilation du nu humanitaire, c'est-à-dire qu'au fond, comme on demande aux chanteurs de chanter, c'est un peu comme si le rôle des mannequins c'était de se déshabiller, c'était leur métier de se déshabiller. Mais plus profondément, je trouve qu'à la convergence de l'exhibition des corps, de la présentation des corps et de leur exhibition médiatique et de l'exhibition des victimes dans le grand spectacle de l'humanitaire, il y a quelque chose qui se révèle là dans ce que vous appelez le nu-humanitaire. Il y a quelque chose de cette société qui aspire à s'approprier la dernière chose qui est encore privée, qui est encore intime, et à l'exhiber comme dans une sorte de victoire médiatique. Je suis nue. Je suis toute nue. Moi, ce qui m'a intéressé dans La Brindille, c'est que c'est au fond une Béatrice, vous savez. C'est une Béatrice qui vous prend par la main et qui vous fait traverser l'enfer mondain et l'enfer de la mode. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans le parcours de Kate Moss, mais pas seulement Kate Moss elle-même, le parcours de tous ceux qui l'entourent, de ces stylistes comme John Galliano ou Alexander McQueen qui vient de se suicider. Encore un témoignage de cette expérimentation poussée jusqu'à la fracture. Les photographes, les revues, tout ce milieu de la banlieue de Londres qui émerge au début des années 90, c'est que à travers cette aventure-là, on peut lire en quelque sorte les grande révolution de notre temps. Qu'est-ce que ça dit de ce que la société attend de nous, ou en tout cas de ce que la société néolibéraliste fait de nous ? L'idéal type néolibéral, c'est frappant quand on examine les textes du management et les textes de la mode, hein, les textes de prescription. On trouve les mêmes mots. C'est la légèreté, la maigreur, la flexibilité, l'adaptabilité. C'est-à-dire que tout se passe comme si... en même temps qu'on demande aux salariés d'être adaptables, d'être flexibles, de pousser jusqu'au bout leur capacité, de faire un usage de leur talent, de performer pour l'entreprise et pour la marque, eh bien c'est aussi ce qu'on demande aux mannequins. Qu'est-ce qui te tracasse encore ? C'est ce robot. Est-ce que tu trouves qu'il me ressemble ? Bien sûr que non. Attention, je ne parle pas physiquement. Mais comment alors ? Je ne sais pas, mais tu vois, nous les cyborgs, on a une tendance à la paranoïa au sujet de nos origines. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de moi que je suis entièrement synthétique, comme cette affreuse chose. Je veux dire, qui sait ce qu'il y a dans nos têtes ? Tu as déjà vu ton propre cerveau. Finalement, cet idéal-là prouve que soit on adopte cette sorte de destin que j'ai appelé pour rire Mossien, de Moss, hein, un destin Mossien, c'est quoi ? C'est soit vous faites un usage stratégique de vous-même, soit vous êtes coaché, soit vous donnez une bonne image de vous, soit vous n'êtes rien, vous n'entrez pas même dans le champ de vision de cette société. Donc en fait, d'une certaine manière, nous sommes tous des mannequins anglais soumis à cette exigence de performance. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui, oui. Bon, pour finir, comment pourrait-on aider Mademoiselle Kate Moss à sortir de cet enfer narcissique et mimétique ? D'ailleurs, par la même occasion, nous nous aiderions nous-mêmes. Eh bien, déjà pour commencer, deux petites mesures semblent s'imposer. Primo, ne pas acheter ces t-shirts où ces jeunes femmes posent nues, il y a mieux à faire. Et ensuite, il faudrait peut-être organiser des rituels païens pendant les nuits de la pleine lune où nous pourrions essayer d'expliquer certaines choses à Mademoiselle Kate Moss. Tu es très très belle. Tu plais à un nombre considérable de gens, parmi lesquels je suis sûre des types très bien. Enfin, il y a quelques débiles mentaux à qui tu déplais. Et s'ils m'intéressent pas ? Attends. Tu leur déplais. Et tu le sens. Tu paniques. Comme tu peux pas supporter l'idée du moindre échec, tu te rabats par précaution sur des mecs qui sont infiniment en dessous de toi. Comme ça, t'es sûr. Entre parenthèses, tu as tort, parce que tu plairais encore mieux aux gens très bien. Qu'est-ce que tu racontes ? Je te dis pas que ça soit conscient chez toi. C'est un choix qui s'opère entièrement à ton insu. Mais c'est vrai. Mais c'est faux, j'ai jamais aimé que des garçons très bien et puis très difficiles. Non, non, ils ne sont pas bien et très difficiles. Tu pourras en trouver des beaucoup mieux. Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. Tu es la petite Marilyn, moi je suis ton Miller. Hein? Non, par Arthur, plutôt Henri, spécialiste de hardcore. La beauté cachée, délai, on se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, on se voit sans délai, délai. Même musique, même reggae pour mon chien, que tout le monde trouvait si vilain. Ouf, toutou. C'est moi qui bois, c'est lui qui est mort d'une cirrhose, peut-être était-ce par osmose, tellement qu'il buvait mes paroles. La beauté cachée, délai, se voit sans délai. La beauté cachée, délai, se voit sans délai. Enfin, faut faire avec ce qu'on a, la sale gueule, nous on n'y peut rien. D'ailleurs, nous les affreux, je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde, car la beauté cachée, délai, se voit sans délai. La beauté cachée, délai, se voit sans délai. Eh oui. Délai. C'est Serge Gainsbourg qui poussait en 1979 le même grognement qu'un sanglier en rut à l'orée du bois, à la recherche lui aussi délai. Alors maintenant, à 11h51, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade ? Bien Philippe, cette semaine, la presse a été très attentive aux affres de cette jeunesse qui ne respecte pas la loi, bon Dieu ! Le Figaro du 4 février racontait comment 12 policiers sont intervenus dans un cinéma parisien pour déloger une famille qui avait amené leur gamine de 3 ans voir le dernier Walt Disney. Enfin, elle allait avoir 3 ans dans 12 jours. Elle n'avait pas tout à fait 3 ans. Bon, la police a fait évacuer ces terroristes en déclarant faire appliquer la loi. Alors une fois encore, le Canard Enchaîné a fait œuvre d'investigation en cherchant de quelle loi il pouvait bien s'agir. Voilà, alors, en fait, c'est pas vraiment une loi, c'est une ordonnance de 1927. Gaston Doumergue était président de la République et le préfet de police, Alfred Morin, a effectivement interdit l'entrée des musicals et des cinémas aux enfants de moins de 3 ans. Article 198 de cette ordonnance. Alors, le Canard a bien étudié le texte hein, et les multiplex vont devoir vraiment l'appliquer. L'article 137 impose à l'opérateur d'avoir dans sa cabine de projection 3 siphons d'eau de Seltz. Voilà, c'est super important parce que vous savez, les bobines peuvent s'enflammer lors de la projection du dernier Fritz Lang. C'est terrible. Surtout, l'article 175 impose des écuries dans des locaux séparés. Primordial ça, Philippe. Voilà, les opérateurs auront de l'eau de Seltz et la police continuera à faire du zèle. Parce que Philippe, vous avez suivi ça dans les gazettes, l'aventure de cette gamine de 14 ans, retenue 10 heures en pyjama et en garde à vue au commissariat pour une sombre et minuscule histoire de bagarre au collège. C'est horrible hein, cette histoire. Atroce. Ah oui. Mais bon, nos policiers sont des baby cowboys à côté de leurs collègues new-yorkais dont ils suivent la voie, puisque cette semaine, The Post Standard Syracuse nous raconte une histoire quoi, de terroriste. The Post Standard Syracuse, c'est l'État de New York, hein, c'est pas New York City. Et donc, dans l'État de New York, pas loin des Grands Lacs, un monstre, a donné un coup de crayon à l'un de ses camarades de classe. Alors, ce petit Ben Laden a été inculpé d'agression et de détention d'armes illégales. Voilà, au moins comme ça. Une idée à suivre hein, pour limiter la violence scolaire, interdire les crayons au collège et transformer les écoles en grandes garderies. Pardon, excusez-moi Philippe, j'entends une remarque d'un auditeur, mais c'est Luc à Châtellerault, voilà, qui vient de dire à côté de son transistor que ouais, c'est bon, la réforme est en cours. Voilà, donc la garderie, c'est pour bientôt. Et en attendant, pour les ados, c'est la garde à vue. Alors, en France, pourtant, Philippe, une garde à vue n'est pas une mauvaise nouvelle, hein, parce que ça peut dispenser de peine. Voilà, c'est ce que nous apprend le journal L'Union, je vous explique. Dans la nuit du 25 septembre dernier, un jeune mec, un mécano, se plante tout seul dans un fossé avec sa bagnole. Bon, il est complètement bourré, hein. C'est très très mal. Ça, c'est pas bien. Déjà. Ah non, c'est clair. Il est placé en garde à vue, c'est au commissariat de Charleville, dans un local de 2,30 mètres carrés, si piti, hein, avec un clochard et un toxicomane. Bon, ok. Alors, pas habitué à ces conditions de vie, chochote ce mécano-là, il exige avec véhémence qu'on le sorte de là. C'est fait. Il est conduit dans le local de dégrisement et il y reste jusqu'au lendemain, 14h35, assis sur un banc en bois, à respirer les émanations pestilentielles des toilettes à la turque bouchées et qui débordent. C'est charmant. Alors, sauf que voilà, lors du procès, à la demande de l'avocat du prévenu, le président du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a visité les cellules de garde à vue. Et devant l'horreur du lieu, l'accusé a été dispensé de peine tellement ses conditions de détention avaient été indignes. Voilà. Donc, bon, Philippe, précisons tout de suite, nous, à la panique, nous n'avons rien contre les policiers. Au contraire, hein, c'est un métier très difficile pour des professionnels à qui on impose la politique du chiffre. Et puis ils sont là pour protéger les biens, les personnes, voilà, faire respecter la loi. Rien très, contre la police. Non, vraiment. Hein, puis on a tous constaté leur utilité. Tenez. Par exemple, mercredi dernier, une dépêche de l'AFP nous racontait que deux vaches s'étaient échappées d'une ferme en Rhénanie du Nord. Alors après avoir passé des heures à essayer de les éloigner de l'autoroute, parce que ça peut être dangereux une vache sur l'autoroute, faut le dire, les policiers allemands ont deviné, ils étaient... excusez-moi Philippe, mais je suis complètement perturbé dans mon casque, ça crie de partout « mort aux vaches ». Alors non, je me désolidarise de tous ces auditeurs. Mais oui, les policiers ont donné la mort aux vaches. Bon, là, d'un coup, on se dit que les ados dont nous parle Libération ce week-end l'ont échappé belle. À Troyes, dans l'Aube, deux mômes de 13 et 14 ans ont été contrôlés dans le bus avec leur carte scolaire qui n'est pas valable pendant les vacances. Alors, les mômes, ils n'avaient pas leur carte d'identité, donc ils ont été menottés devant tout le monde et conduits au commissariat. Le directeur départemental de la sécurité publique de l'Aube s'offusque de l'écho disproportionné qui est donné à cette affaire. Bon, moi, je lui fais un gros poutou, hein, parce que je m'excuse d'en parler. Lui, il dit « les policiers ont respecté la loi ». Et je réponds bah, « faut peut-être changer d'argument ». Philippe, vous avez fait des études d'histoire. Hein. Oui. Bah, moi aussi, mais bon, on le sait bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait histoire pour citer plein d'exemples de situations où de braves fonctionnaires ont respecté des lois qui, aujourd'hui, sont des crimes. Alors Philippe, pour terminer, sortons de ces histoires de garde à vue de prison avec, comme il se doit, une libération, celle de Nelson Mandela il y a tout juste 20 ans. Et cette semaine, Libération consacre un article à l'événement et reproduit sa une du 12 février 1990. On y voit Mandela, le point levé. Paris Match, dans sa rubrique « C'était dans Match », consacre aussi un article à la libération de Mandela en produisant également sa une de février 1990 qui était consacrée à Estelle Hallyday. Voilà, ah ben on change pas sa nature profonde. Bon, le principal de tout ça, c'est que Nelson Mandela ait été libéré, lui qui avait été arrêté 27 ans plus tôt. Mais pas d'inquiétude à avoir, c'était par des policiers qui avaient évidemment respecté la loi. Merci Monsieur Maudit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 192e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit que je remercie. Merci aussi à Henri-Marc Mutel qui était derrière les platines comme d'habitude. Assisté aujourd'hui de Sophie Moreno et de Patrick Henry, merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Merci aussi à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet, Elsa Denac, pour les scouts Thierry Dupin, Olivier Lefayère, les documentalistes de Lina et Lucie Lera, notre sympathique stagiaire. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, il y a le